Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus, très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec mes comparses habituels Rémi, Vincent et Miguel. Comment allez-vous les mecs ? Yo tout le monde ! Salut tout le monde, ça va nickel ! Aujourd'hui on va faire une review de la trade deadline qui avait eu lieu du coup jeudi 9 février. Il y a pas mal de choses à dire, il y a eu de belles surprises. Oui Rémi, on sait que tu as été au final NBA, merci pour ton gobelet. Sortez tranquillement de votre lit, faites couler le café, le reste on s'en occupe. C'est parti. Les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse les équipes qui ont gagné cette trade deadline, d'un point de vue effectif ou même de durabilité, longévité. Comme ça, on parle de ça et on verra pour les équipes perdantes si on a des choses à rajouter, parce que je pense que ça va venir dans les discussions. Ça vous va ? Ouais, ça me va très bien. Ouais. Allez, okay. Et bah c'est parti. Et bien, on commence tout de suite. On va parler un peu des Lakers. C'était Lakers dans le thème cette semaine avec les LeBron James qui est devenu meilleur scorer all time. Donc, les Lakers qui ont récupéré du coup le 23 janvier Rui Hachimura. Donc, ça, on avait déjà pu le voir un peu sur les terrains. Personnellement, j'ai pas trouvé ça flamboyant, même si bon, c'est toujours un ajout qui peut être de qualité. Surtout, le jeudi, ils ont récupéré D'Angelo Russell, Malik Beasley et Jared Vanderbilt. Et ça, je trouve que c'est un putain de gros coup. Alors pour moi, le gros coup là-dedans, c'est qu'ils ont enfin réussi à se débarrasser de Russell Westbrook. Effectivement. Et c'est une très bonne chose, à la fois pour les Lakers, à la fois pour Russell Westbrook. Oui, parce qu'au final, oui, Westbrook pouvait pas forcément rester ici et continuer de se faire déchirer la tête. Ouais. Et la pression de Los Angeles était peut-être un peu forte, surtout des médias. Ça va peut-être lui permettre de retrouver confiance dans une autre équipe. Donc du coup, là, il atterrit au Jazz, si je ne m'abuse. Donc à voir ce qu'il veut faire. Ça avait été évoqué d'un buyout avec le Jazz. Mais apparemment, lui, il dirait qu'il voudrait bien jouer. Donc, ouais, et pour faire une petite parenthèse sur le Jazz, il a dit comme quoi il était chaud pour jouer avec le Jazz. Mais ça parle d'un buyout. Il y a pas mal de rumeurs comme quoi il arriverait aux Clippers avec le petit tweet de PG. Viens jouer avec moi, frérot. Donc, à voir ce que ça va donner. Effectivement, effectivement. Miguel, t'en penses quoi, toi, de ce trade ? Je pense que c'est bénéfique. Après, il va falloir voir, parce que les Lakers, au classement, là, c'est assez compliqué. Mais je pense qu'au play-in, puisque là, on arracherait plus une place au play-in, je pense qu'ils vont être très dangereux. Mais après, si ça va en play-off, ça va tomber contre une grosse équipe. Et je ne suis pas sûr, même avec les bons ajouts qu'ils ont eus, que ça va faire quelque chose, hein. Ça va être compliqué pour eux, en tout cas pour cette saison. Bah, après, tu vois, ils ont essayé aussi de se renforcer, du coup ils ont perdu Thomas Bryant, du coup qui est parti aux Nuggets, mais ils ont récupéré Mo Bamba d'Orlando, donc ça je trouve ça pas trop mal. En plus tu enlèves Pat Beverley, qui est pas forcément le joueur le plus en vue cette saison. Pour moi, il y a un petit up d'effectif, et avec un peu plus de profondeur quand même. Parce que tu récupères D'Angelo Russell qui est monstrueux à la main, parce que bah il est en contract hier, donc on connaît D'Angelo Russell. Dès qu'on parle monnaie, il se réveille. Malik Beasley, Jared Vanderbilt, c'est des bons roleplayers quand même. Et tu as récupéré un petit tour de draft et Davon Reed. Pour moi, je trouve que c'est un glow-up d'effectif. Moi, je trouve que c'est un très gros glow-up du simple fait que c'est des mecs qui peuvent shooter. Ce qu'ils n'avaient pas avant. Et là, ils ont un pourcentage derrière l'arc qui n'est pas déconnant. Parce que D'Angelo Russell, il shoot bien. Malik Beasley, il shoot bien. Vanderbilt, c'est correct. Et en fait, on sait depuis longtemps qu'autour d'un LeBron, on sait tous qu'autour d'un LeBron, ce qu'il faut, c'est des shooters. Donc, ils ont armé LeBron comme il faut, enfin, comme il l'aurait dû le faire depuis le début. Ouais. Vincent, il reste cet effectif. En fait, moi, je rejoins Rémi là-dessus. En fait, c'est qu'ils ont mis des mecs qui sont capables de mettre des tirs. Parce qu'ils ont viré Patrick Beverley, qui met un tir tous les 32 du mois. Ils ont viré Russell Westbrook qui casse plus de planches qu'il met de panier. Donc au final, en fait, ils ont enlevé des... Là, il y a Gabin qui arrive dans la combe et qui te pète la gueule, mec. Ouais, bah super. Gabin, je me rappelle plus la dernière fois qu'il a participé à une émission. Bref. Allez, big up. Et non, mais en vrai, ils ont gagné en effectif parce qu'ils ont mis des mecs qui sont capables de tirer et ils ont mis des vrais roleplayers. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont agrandi l'effectif, le roster est plus complet, je trouve. Et après, pour moi, Mo Bamba, c'est un peu moins bien que Thomas Bryant, quand même. Mais ça peut être comme un bon ajout s'il comprend son rôle. Et voilà, je pense qu'il va sortir du banc, il va être derrière AD. Voilà, c'est pareil. Les Lakers, ça gagnera aussi si AD et LeBron sont là, en fait. Donc, dans tous les cas... Ça dépendra de ça, comme à chaque fois. Hein. Dans tous les cas, ça dépend de ça. Et puis après, derrière, pour moi, ils ont glow-up par rapport à à l'effectif d'avant où ils avaient encore Westbrook. Surtout Westbrook. Ouais. Je suis d'accord. Et puis bah contractuellement, Westbrook, c'est un poids qui apporte pas grand chose, quoi. Donc c'est pas plus mal de se débarrasser. Les Lakers, en vrai, glow up, oui, mais je sais pas si ça va chambouler pour autant leur classement à la fin de l'année. Non, en revanche, s'ils se qualifient en play-off ou allez, ils sont plus dangereux. Ils sont plus dangereux, et surtout si AD et LeBron jouent derrière, du coup, t'as du monde pour les épauler. Ouais. Et perso, moi, je suis assez hype de revoir D'Angelo Russell sous le maillot des Lakers. Ouais. Ça me fait kiffer. Ça, je suis d'accord, c'est cool. Un autre grand gagnant de la trade deadline, qui n'a pas fait grand-chose, mais qui a été cherché juste ce qu'il fallait, ce sont les Milwaukee Bucks, qui ont été chercher Jay Crowder, des mains des Suns, et du coup des Nets, puisqu'on va en parler un peu plus tard, il s'est passé un gros trade mercredi matin. Deux trades, en fait, côté... Mais du coup, intéressant pour les Bucks d'avoir récupéré Jay Crowder qui se morfondait là-bas à Phoenix et qui se retrouve dans un effectif de contender qui est déjà complet et avec un ajout du coup comme ils avaient pu avoir lors de l'année du titre avec PJ Tucker, ils récupèrent un peu ce genre de joueur, un forward absolument. Défenseur et qui sait shooter à 3 points. S'il y a des poubelles à sortir, c'est ça. Ouais. C'est parfait pour épauler les Bucks. Un vrai joueur de devoir, un vrai 3&D là qui va défendre et qui peut mettre ses trois ouverts mais qui va pas demander 25 points par match, qui s'en branle. Et en fait du coup la Milwaukee, mais ça peut devenir clairement la line-up la plus défensive qu'on a jamais vue depuis longtemps. Clairement, parce que quand dans ton 5 majeur, tu peux avoir Jrue Holiday, qui est un élite défenseur sur les postes 1, Middleton, Jay Crowder, Antetokounmpo, Lopez. C'est comme ça qu'ils vont jouer, tu vois. Mais là, ça défend vraiment. Et bon courage à ceux qui vont attaquer ça, tu vois. T'as même un 5 un peu plus small ball avec Giannis en 5 où tu rajoutes Grayson Allen. Et tu mets Grayson Allen en 3 et Crowder en 4. Ouais. Mais je pense que ça, en playoff, ça fait très très mal. Parce que du coup, de l'autre côté du terrain, ça joue. En playoff, on sait très bien que les défenses, elles sont bien plus fortes qu'en saison régulière. Et là, du coup, avec des joueurs comme ça capables de vraiment défendre, ça risque d'être compliqué pour les autres équipes. Et les Bucks, du coup, ça fait un ajout vraiment hyper intéressant pour eux, qui leur a pas coûté grand-chose. Et c'est eux, ils sont vraiment gagnants. Même s'ils n'ont pas fait grand-chose, ils sont vraiment gagnants. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord. Bah, du coup, dans le trade, ils perdent Serge Ibaka, qui jouait pas à cause de douleur. Il y a Jordan Nwora et George Hill et un second tour de draft. Donc, c'est pas cher payé pour récupérer un joueur d'un tel calibre. Non, c'est très bien joué de leur part. Et c'est clairement le genre d'ajout qui peut t'emmener jusqu'à la bague. Donc, à suivre les Bucks, je trouve ça super intéressant. Un autre, du coup, qui s'est un peu bougé, ce sont les Nuggets qui ont été récupérés Thomas Bryant dans le deal bon backup pour Jokic. Voilà, parce que DeAndre Jordan, ça faisait pas l'affaire. Donc, tu récupères un backup capable de défendre et en plus de ça, qui en attaque peut te marquer quelques points derrière Jokic sur une rotation de 15 minutes en playoff. Je trouve ça intéressant. Donc voilà, ça, c'est les seuls petits trucs que les Nuggets ont fait, mais c'est très bien. Ouais, du coup, ils ont perdu Bones Island, mais qui jouait plus beaucoup là, ces derniers temps. Donc, voilà, donc ils perdent pas grand-chose. Pour eux, là, ça leur change pas grand-chose. Il était très bon quand Jamal Murray était blessé, mais depuis qu'il est revenu, c'est compliqué. Il est revenu, en fait, il a du mal et il a pas beaucoup de minutes, et c'est compliqué. Ouais. C'est ça. Plus tôt dans la semaine, on a les Mavs qui ont récupéré Kyrie Irving. Bah, ça, c'est le premier gros trade qui s'est passé. Moi, perso, je l'ai pas vu venir. Personne n'a vu venir, je pense. En fait, personne n'a vu venir la déclat. Mais personne n'a été surpris. En fait, si. En fait, le moi, c'est même pas le fait qu'il aille à Dallas qui m'est surpris, c'est le fait qu'il ait demandé son transfert. Moi, c'est plus ça qui m'a surpris, parce que dès qu'il a demandé son transfert, après, il y a eu des rumeurs à Dallas, à machin, et donc du coup, on savait, à Dallas, aux Lakers, donc on savait qu'il allait partir, en fait. Et donc après, une fois qu'il est parti à Dallas, ça m'a moins choqué. Mais par contre, le fait qu'il demande son transfert, on était en train de se dire, limite, que les Nets, quasiment tout allait bien, en fait, depuis que Steve Nash était parti, tout ça, et au final, bim. C'est ouf, en fait. C'est ouf qu'il se retrouve qu'avec Ben Simmons, quoi. Miguel, tu l'avais vu venir, toi, le trade un peu, Kyrie Irving ? Bah, qui demande à partir, non. Après, quand il a annoncé qu'il partait, on avait justement les rumeurs des équipes qui étaient intéressées. Et moi, je l'avais dit, hein, je voulais qu'il aille à Dallas parce que Luka, on attend qu'il ait justement ce joueur, cette star à côté de lui pour faire quelque chose. Maintenant, c'est sûr, on s'est tous demandé est-ce que c'est le meilleur fit à faire, est-ce que les deux vont bien se compléter. Là, en tout cas, on peut voir Luka Doncic. Bon, là, il est sur le banc pour l'instant, il est un peu blessé, mais il sourit, il est bien content de voir Kyrie Irving sur le terrain. Et je pense qu'on attend juste de voir les deux sur le terrain en même temps, voir ce que ça donne. Ouais, Mais carrément. très bel ajout et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Quelqu'un me refait un récap du trade, du coup, je l'ai pas sous les yeux exactement. Du coup, c'est Kyrie Irving qui va de Nets direction Dallas. Et en échange, il y a Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie et trois tours de draft, je crois. Miguel, c'est à l'info. Un premier tour et deux deuxième tour. Et Kyrie Irving, il est venu avec Marquise Morris aussi, qui l'a suivi. Ah oui, c'est vrai, ouais, C'est exact. vrai. Ok, ça marche. Bah ouais, du coup, intéressant pour les Mavs. Ouais, intéressant pour les Mavs. Moi, je sais pas trop quoi en penser. En fait, il y avait eu des rumeurs que, du coup, quand il a demandé son transfert, il y a eu des rumeurs que Kyrie a eu aux Lakers. Mais la seule condition que les Lakers voulaient, c'était qu'il prolonge pour ses 78 millions pour les 2 prochaines années. Et Ouais. Kyrie voulait pas parce qu'en fait, cet été, il sera éligible à un plus gros contrat à 200 millions sur 4 ans. Mais du coup, là, il a pas prolongé en allant chez Dallas. Et moi, j'ai ultra peur qu'en fait, cet été, il se casse. Alors, il y a autre chose qui rentre en compte parce qu'il y a eu des rumeurs avec les Lakers. Le truc, c'est que les Lakers ne lui promettaient pas une prolongation ou une renégociation de contrat. Et du coup, c'est ça qui a fait qu'il n'a pas signé aux Lakers. Donc, je pense que s'il est chez les Mavs, c'est que les Mavs ont potentiellement dit qu'ils seraient capables de lui Il donner serait ce gros capable de le contrat. prolonger? Ok. Pour Ok. moi, c'est comme ça. Après, ça se trouve, les Mavs, ils lui foutent à l'envers et ils ont tous les droits de ne pas le re-signer s'ils veulent, tu Ouais, mais vois. ce serait débile. Ce Trois serait tours de draft débile. et deux jeunes joueurs, ce serait Si trop ça se cher passe. payé. Exactement. Et en plus, si ça match et qu'ils refont une finale de conf ou un truc dans le genre, ou une belle perf Ouais. en playoff, bah tu le re-signes et tu Oui, non, essaies bien d'aller sûr. choper un gros intérieur pour les aider pour l'année prochaine. Pour moi, ça se fait comme ça. Surtout qu'en plus, en termes de salaire, tu perds Spencer Dinwiddie qui était à 20 millions. Pour moi, c'est pas Non, en déconnant termes de salaire, c'est pas déconnant du tout. de repayer derrière Kyrie, sachant que tu as laissé un peu de masse salariale, parce que pareil, Dorian Finney-Smith, je crois qu'il était en renégociation aussi. Donc, tu allais filer un gros contrat à un role player. Donc, pour moi, c'est pas déconnant. Après, tu perds un peu défensivement, c'est le seul problème. Parce que Dinwiddie, c'est capable sur le poste 1 et 2. En revanche, Finney-Smith, c'est un vrai défenseur de métier. Et là, Ouais. là-dessus, les Mavs, ils perdent beaucoup parce que c'est déjà pas leur fort. En plus de ça, s'ils perdent leur Ah bah là, ailier je pense défenseur que. qui peut s'occuper des Kawhi, des LeBron et tout ça, compliqué. Ah bah là, ils vont encaisser 190 points par match, hein. C'est pas mal. Hein. C'est... Ah mais On va être avec sur les un. talents offensifs qu'ils ont, ils peuvent en mettre 200, tu vois. Ouais, C'est c'est ça. pas mal. Il va y avoir... Alors, les matchs de Dallas vont être sympas à regarder parce qu'il va y avoir des 200 à 210. Ça va être incroyable. On va battre tous les records avec Dallas. Hein. Les Mavs, Mais ils espèrent TTFL. en tout cas, Maintenant. Dallas envoie un très très gros message à Luka en disant bah tu veux qu'on t'entoure, on t'entoure. Il n'y a aucun souci, tu vois. On t'a ramené une rosta pour être avec toi. Il fallait un autre meneur qui puisse l'aider à la création, tout ça. Bah c'est bon, c'est acté, quoi. Rémi, t'enchaînes sur les Clippers? Sur tes chers Clippers? Ouais, bah les Clippers qui sont grave gagnants pour du coup pendant cette trade deadline. Ils ont réussi entre guillemets à se débarrasser de John Wall et Reggie Jackson parce qu'on a vu que le fit marchait pas de ouf depuis le début de la saison. Ouais. Du coup à la main ils ont récupéré un Bones Island, on en parlait du coup. Talentueux Qui... jeune de Denver. Ouais, moi j'avoue j'aime bien, mais c'est pas forcément le meneur de métier qu'il faut pour les Clippers pour aller loin. Il faut un mec un peu plus expérimenté, donc je suis encore un peu sceptique là-dessus. J'aime bien, mais je suis sceptique. Et surtout, là-dessus, ce qui est vachement bien, c'est qu'ils ont réussi à récupérer un backup pour Ivica Zubac. Il y a Mason Plumlee qui arrive. Et ça, c'est vachement bien. Je m'en souviens, avec Miguel, on en avait parlé pendant les previews au début de l'année. Parce qu'on savait que Mason Plumlee n'allait pas rester. Et du coup, le fait qu'il arrive chez les Clippers, bah, c'est top. Parce qu'Ivica Zubac, en fait, il peut pas faire le taf tout seul. Offensivement, Plumlee, c'est mieux. Défensivement, bon, c'est à peu près pareil. Mais offensivement, il y a de la matière. Il y a deux gros bonhommes, c'est chiant quand ils sont là. Ça Défensivement, dissuade. c'est Plumlee, c'est quand même mieux défensivement Ah, que Zubac. carrément. C'est un meilleur Ouais. protecteur de cercle. Hein. Ah oui. Ah oui, Ouais, un ring Zubac, c'est protecteur, un ouais. pot. Mais défenseur, bah, les Mais deux sont pas après, des par très grands contre, ouais, mais défenseurs. après, je pense que. Non, mais Plumlee est meilleur défenseur que Zubac. Et par contre, pour moi, offensivement, il a un peu moins de palette. Zubac peut plus un peu s'écarter et tout que Plumlee. Mais Ok. après, Plumlee, là, il fait. À Hornets, il a montré des bonnes choses ces derniers temps. Ouais, ça oui. Et moi, je me demande même si je suis pas coach des Clippers, que je mets pas Mason Plumlee dans le 5 et je fais Ah moi je sortir mets Mason Zubac. Plumlee dans le 5 hein. Et Ah Ivica oui, Zubac tu en vas sur service. le banc. Ouais, Par contre c'est tu ça. partages les minutes. Moi je partage les Ouais, minutes. voilà, je partage à peu près les minutes, tu Un vois, mais je 24-24. Ouais à peu pense près. que je mets Plumlee dans le 5, hein, clairement. Ouais ça je suis d'accord avec toi, ouais, clairement. Intéressant. Il est plus dense athlétiquement et tout, en fait. Zubac, il est encore trop pâteau, en fait. Ouais. Vous avez récupéré Eric Gordon aussi? Eric Gordon aussi qui arrive. Ouais, je sais pas trop quoi en penser de ça. Il arrive de Houston, il jouait qu'à peine parce qu'à Houston ils ont pas envie de jouer. Donc à voir ce qu'il va donner quand il va jouer au basket pour de vrai. Je suis Bah, assez curieux, mais c'est pas le poste. Enfin, c'est plus un arrière, donc c'est pas lui qui va combler du coup le rôle de meneur. Mais non, par contre, ça apporte du shoot. Ah bah ouais. Ça apporte du shoot, c'est un vétéran et tout, donc c'est pas déconnant. Ouais. Et du coup, comme on en parlait tout à l'heure, il y a aussi des rumeurs que Westbrook il se ramène. À voir si ça se concrétise pour de vrai. Je compte pas là-dessus, personnellement. Mais s'il se ramène, j'avoue, moi j'aime bien. On a déjà vu que le fit avec Paul George, il se passait bien. Les deux, ils sont potes, ils s'entendent bien. Et je pense pas que ce soit Kawhi qui vienne déranger la relation entre les deux. Enfin, je pense pas que ce soit Kawhi qui va gêner le fit là-dedans. Si Kawhi veut le ballon, il aura le ballon. Ouais. Et Kawhi peut très bien jouer sans le ballon, donc c'est pas du tout un problème. À partir du moment où Westbrook ne prend pas les derniers shoots et qu'il shoote pas à plus de 2 mètres du cercle, c'est ok. Mais en fait, il faut que les choses soient fixées direct, en fait. Ça fait cher pour 30 millions, mais ouais. Mais par contre, pour moi, il faut quand même que là, les Clippers s'y trouvent un poste 1, parce qu'en fait, du coup, ils ont vraiment perdu leurs deux postes 1. Même bah, si, ah, ouais. C'était, enfin, moi, je trouvais pas ça exceptionnel, hein, John Wall et Reggie Jackson, ce qu'ils avaient. Non, c'était pas dingue. C'était pas mais au moins, en fait, t'avais un poste 1 qui, de métier, tu vois. Et ils étaient sur Mike Conley, mais ils ont pas réussi à le choper. Ils ont pas réussi à le choper, ouais. Ouais. Mike Conley, ça aurait été un vrai gros ajout. Mike Conley, ça aurait été très très fort. Mike Conley impliqué dans le trade de Russ Westbrook et d'Angelo Russell. D'Angelo Russell. Ouais. Du coup, il arrive au Wizards. Wolves. Wolves, désolé. Ça commence par un W, j'ai confondu. Ouais, pas de souci. Bon, je pense qu'il faut parler du gros morceau. On va parler du trade entre les Nets et Phoenix. Les plus gros gagnants de la trade deadline pour moi. Phoenix, ouais. À court terme. Et les Nets sur le long terme, je pense que c'est des gagnants aussi. Ils ont su inverser la vapeur et récupérer plein de picks pendant cette trade deadline et se renouveler complètement. Surtout, bah, KD est enfin un joueur des Suns après les rumeurs de cet été. Ouais. Ça, c'est beau. Bah ouais, on avait des rumeurs parce que les Suns, ils avaient battu leur record en saison régulière et tout, donc on a dit, bah, KD va forcément aller aux Suns vu que c'est qu'une grosse salope et du coup, il va donner son cul aux Suns. Bah ouais, bah, c'est ce qu'il a fait. Voilà, bien joué. Après là, il donne son cul aux Suns dans une équipe qui est pas comme les dernières et qui est un peu plus bancale. Hein, on va pas se mentir. Je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Par contre, les Suns, eux, ils misent sur cette année. Hein, c'est tout. Hein. Ils ont pas le choix. Là, ils se sont pas dit, bah vas-y, on voit un peu. Machin. Non, c'est cette année ou rien en fait. Les Suns, ils ont parié leur avenir parce que du coup, dans le trade, il y a quoi? Il y a combien de tours de draft? Il y a Mikal Bridges. 4 premiers tours de draft. 4 premiers tours. Jay Crowder. Cam Johnson et Mikal Bridges. Voilà. Ok. Donc il y a du jeune. A du potentiel, Mikal Bridges et Cam Johnson, c'est du jeune à potentiel. Ouais, il y a beaucoup de tours de draft, donc là en fait ils parient vraiment leur avenir pour un mec qui est incroyable mais qui se blesse souvent et un mec qui commence à être rouillé au niveau à la main et on sait pas trop ce que ça donne sur les derniers mois. Donc c'est risqué de miser là-dessus, c'est très risqué, on va pas se mentir. Hein. Mais par contre, à tout moment, ça te ramène un titre. Mais par contre, à tout moment, ouais, je suis d'accord. À tout moment, tu vas chercher un titre d'estané en fait. Si ça clique, t'es en finale NBA au mois de juin. Bah ouais, complètement ouais. Bah, si, mais il n'y a pas de raison que ça clique pas. Ouais, parce que t'as un meneur gestionnaire, t'as deux gros scoreurs qui sont pas sur le même poste, t'en as un qui va plus jouer 4 et un qui peut jouer sans ballon. Qui peut jouer sans ballon. Donc ça va être incroyable. En plus de ça, t'as André un pivot Eton solide. Un pivot solide. La death lineup des Suns là, ça va faire. Défensivement, c'est pas déconnant. Non, c'est pas déconnant parce que. Il y a Devin Booker qui défend pas, mais le reste, ça défend très bien. Ouais. T'as perdu Mikal Bridges quand même. Qui est podium défenseur depuis 2 saisons. Ouais, est-ce mais t'as Kevin Durant. Ah oui, bah non, bah c'est sûr. Est-ce qu'à choisir, vous auriez gardé Mikal Bridges et viré Chris Paul? Non. J'aurais fait le trade. Non, parce qu'il faut un meneur gestionnaire qui puisse vraiment comprendre la gestion pour pouvoir distribuer les ballons entre Devin Booker et Kevin Durant. Moi, je te certifie que j'aurais dégagé Chris Paul et j'aurais gardé Mikal Bridges. Mais ça, c'est parce que toi, t'es un hater de Chris Paul. Non, je suis pas un hater. Mais du coup, t'aurais mis Cameron Payne titulaire. Ouais, bah les couilles. frère, t'as vu les joueurs avec qui Non, mais le but, c'est d'avoir une bague maintenant. Pas de l'avoir dans 4 ans. Prends la balle et shoot, ça fait ficelle à chaque fois que tu shoot. Non, mais c'est. Vraiment. Tiens, le numéro 1, je te donne la balle, quand tu shoot, ça fait ficelle aussi. Bah non, mais en vrai, c'est pas compliqué, mec. Meneur des Suns, même ma tante a fait pareil. Hein. Clairement, t'as juste à passer le milieu de terrain et après tu fais des passes. Non, mais ta tante a joué en proie, c'est de la triche. non, mais c'est vrai que moi, perso, même si j'adore Chris Paul, parce que je le trouve vraiment fort. Bah, cette année, un peu moins, mais je pense que j'aurais quand même trouvé. Parce que Mikal Bridges, défensivement, en fait, il apporte. Et en plus de ça, ça peut être un joueur qui peut mettre des tirs sans forcément avoir besoin de la balle. Enfin, il s'en branle, en fait. Ouais, mais tu vois, en playoff, quand Devin Booker il va passer à côté de son match et qu'il aura fait un 2 sur 15 au shoot, ce qui peut arriver, là, c'est un mec comme Chris Paul dans le vestiaire qui va y faire, mec, t'inquiète pas, prochain match ça va aller. Et c'est pas un. C'est pas Kevin Durant qui va prendre ce rôle-là, c'est pas non plus DeAndre Ayton. Tu vois, genre, pour moi, Chris Paul, on en a déjà parlé, la hiérarchie au Suns, c'est Devin Booker le franchise player, mais pour moi, le vrai patron dans le vestiaire, c'est Chris Paul. Même s'il y a Kevin Durant qui se ramène, pour moi, c'est Chris Paul le patron. Et mais après, il y a des mecs qui sont là sur le terrain, qui ont leur rôle à jouer. Mais même en dehors de ça, en dehors du leader vocal, Chris Paul, il peut très bien, sur une première mi-temps, où effectivement, il est à, je sais pas, à 2 sur 10 au shoot, il va aller le voir, il va lui dire, hey, écoute, arrête de te prendre la tête avec tes tirs compliqués ou en iso. Moi, je vais te faire, sors des écrans, je vais te faire des passes, tu vas être dans un fauteuil, je vais te redonner confiance. C'est aussi sur le terrain, tu vois. Il va pouvoir l'amener sur des phases de jeu et pour lui faire reprendre confiance, parce qu'on sait que Devin Booker, malgré le talent qu'il a, il peut passer à côté de certains matchs. Et donc, Chris Paul peut le faire. Or, Cameron Payne est pour toi. Ils peuvent pas faire ça. Ouais. Ouais. Autant ils sont très bons, ils peuvent pas faire ça. Envoyer des gros lobs à DeAndre Ayton quand il arrive à se libérer, parce que tout le monde est focalisé sur défendre, sur Booker et Durant. Il va y avoir des boulevards pour certains joueurs. C'est Chris Paul qui va aller voir cela, tu vois. Alors par contre, à contrario, Chris Paul, à tout moment, il peut se faire une cuisse en finale de conf. Ça, c'est possible aussi. Hein, Miguel ? T'en penses quoi de ça ? quelle analyse ? L'analyse, elle est simple. Ils avaient la chance de pouvoir envoyer un gars de 53 ans dans un trade et pouvoir s'en débarrasser. Là, l'année prochaine, il en est pas de... Ouais, mais, si, mais ils vont gagner cette année. Bah, ils ont intérêt à gagner cette année, en fait. De toute façon, ils sont obligés de gagner cette année, de toute façon. Il y a deux ans, ils ont perdu les finales, et on a dit que c'était potentiellement le dernier virage pour Chris Paul. L'an dernier, ils sont passés à côté de leur playoff en perdant contre Dallas, et on a dit, c'est fini, du coup, c'est terminé, enfin, c'est trop tard, Chris Paul trop vieux, DeAndre Ayton, il y a des problèmes dans le vestiaire et tout. Et là, au final, avec Kevin Durant qui se ramène, ça contrebalance tout. Mais tellement. Là genre, Chris Paul, il lui reste une fenêtre. Deux même, j'ai envie de dire. Tu crois que deux saisons, il peut le faire ? Ouais, c'est pas déconnant. Là, Chris Paul, il a même plus besoin de courir. Oui, non, mais... Il aura que 54 ans la saison prochaine. Il faut quand même qu'il arrive à courir, à marcher sur le terrain, et au bout d'un moment, ça commence à être dur. Non, mais ouais... Il mettra des rollers, c'est bon. Ils sont passés d'une équipe décevante à une équipe plus que contender sur une journée, quoi. Avec l'ajout d'un mec. Ça, c'est dingue, en fait, ouais, mais c'est que le souci, c'est Kevin Durant, j'ai envie de dire, tu l'ajoutes presque partout, tu deviens contender, en fait. Ah oui. Tu le mets à Houston, ça marche pas. Ouais, c'est sûr. Tu le mets à Houston ou à Hornets. Il a dit presque partout. Il a dit presque partout. Hornets, non, c'est sûr. Enfin, pour le coup, tu l'ajoutes à Châteauroux. Et Châteauroux, ils peuvent aller en finale NBA, tu vois. Châteauroux qu'on a tapé ce week-end, merci. Allez, vas-y, d'accord. T'as mis combien de points ? Ramène Kevin Durant, moi j'en ai rien à foutre, je le prends Kevin Durant. Je m'en bats les couilles. Non, mais tu le rajoutes au Knicks, par exemple, on devient contender, ce mec, bordel. Ah oui, complètement. Après, il n'y a qu'une seule façon pour que Durant aille dans une équipe et qu'il gagne le titre, il faut qu'il y ait Stephen Curry à côté. Sinon, ça marche pas. Ah, les choses sont dites. Les choses sont dites. Les couilles sont posées sur la table. Ouais, mais donc du coup, Stephen Curry qui vient au Knicks, moi ça me va. Hein. Du coup, il faut ramener les deux, sinon ça marche pas. Hein. Bon, moi ça me va. Curry, Durant, ça me va. Je suis pas chiant. Tu veux pas Steve Kerr et LeBron James aussi avec ? Si on me propose, je prends. Si ça arrive, il prend une année sabbatique, il fait un abonnement au Madison Square Garden. Clairement. Et par contre, si je gagne pas le titre à la fin de l'année, je me coupe les deux couilles. Clairement. On a fait le tour ou pas des gagnants ? Je pense que oui. On a fait Lakers, Bucks, Nuggets, Mavs, Nets, Clippers, Phoenix. Donc je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on peut du coup parler un peu des perdants ? Allez. Ouais. Moi, je mets sur la table pour Vincent un petit Evan Fournier. Très. Ouais. C'est instant cocorico, ça c'est perdant de ouf. Ouais, c'est clair. En fait, putain, fait chier. Les Knicks sont pas perdants, mais Evan Fournier, lui, est perdant parce qu'en fait, là, il a plus de temps de jeu, c'est chaud. Après, dans les déclarations qu'il a fait là, en fait, il a pas l'air d'être déçu de rester à New York, en fait. Dans les déclarations qu'il a fait, il a dit, il a tweeté, je peux enfin défaire ma valise après la journée du 9, en fait. À partir du moment où la trade deadline était finie, il a dit c'est bon, je peux enfin défaire ma valise. Donc je pense que ça l'aurait aussi fait chier parce qu'il y a aussi le fait d'avoir une vie de famille, tout ça. Et il est bien à New York, lui, dans sa vie perso, en fait. Donc je pense que lui, ça le fait chier en fait de ne pas jouer parce qu'en fait, et puis en plus de ça, Evan, il est vraiment pro, il est vraiment. C'est surtout nous, on a envie de le voir jouer. Surtout que quand il est sur le terrain. Il a le talent. Voilà, c'est ça, exactement. Mais en fait, il n'est pas utilisé comme il devrait être utilisé. Déjà là, il n'est pas utilisé du tout. Et quand il était utilisé l'année dernière, etc., il a été utilisé comme un juste shooter à 3 points, alors qu'il a plein d'autres qualités, tu vois. C'est donc, peut-être qu'il va retrouver des minutes dans la rotation, je sais pas. Et là, l'arrivée de Josh Hart, ça a peut-être pas lui faire du bien, parce que du coup, c'est un peu sur son poste, c'est un poste de 3. C'est le pote de Jalen Brunson. Exactement, donc je pense qu'il va avoir des minutes, mais... L'alchimie va se faire très vite. Je pense que ça va, ouais. Et c'est un mec qui s'adapte un peu partout, Josh Hart. Hein. Il est passé aux Pelicans, il a été plutôt bon direct. Là, aux Blazers, il était plutôt bon. Donc voilà, tu vois. D'ailleurs, le mec, il a quand même appris qu'il allait transférer au Onyx pendant l'échauffement du match des Blazers. Il l'a appris sur un téléphone. Ah, oh, bah, t'es transféré au Onyx, mec. Ah, d'accord. C'est, la NBA, c'est quand même incroyable. Hein. Ouais, c'est Patrux, la journaliste de Beansport, qui a tweeté un truc du genre... faudrait quand même que les joueurs arrêtent d'apprendre le truc via Twitter et de pas apprendre les trades en premier, genre Vosges et Charania, ils savent les trades avant les joueurs. Ouais. C'est vrai que je trouve ça tellement irrespectueux que tu décides pas de ta destination parce que ton équipe. Non mais vas-y, le staff il vient voir le mec, frérot, voilà, on te transfère, tu vas finir dans telle ville. Il faut que le GM il appelle le gars, il fait écoute mec, merci pour les travaux, mais on t'envoie là-bas. Et seulement après. T'as les tweets les tweets de Vosges et de. Enfin, moi, je trouverais ça respectueux de faire ça. Tu vois. Après, je partage l'avis de Marie Pactrus. Mais bon. Je suis d'accord avec toi. T'en veux un autre gros perdant de la trade deadline ? Vas-y, envoie-en un. Damien Lillard. Bah, les Blazers. Bah, ouais, les Blazers, mais surtout Damien Lillard, quoi. Ça fait combien de temps qu'on attend qu'il soit entouré, ce mec-là ? Ouais, c'est ouf. Il y a Jérémy Grant qui fait du bon boulot et tout, c'est ouais, cool. Ouais, mais c'est. Non, mais vas-y. Mais ça suffit pas. Tu vois. En fait, c'est horrible parce que tu te dis qu'en fait, les autres, genre, les Mavs, ils entourent Luka. Les Suns, ils entourent. Parce que t'imagines un KD à Portland, là ? Mais gros, c'est bien. Bah ouais, en fait. Encore plus de hype que les Suns, je pense. Ah, franchement, j'ai une goal moins, pendant 10 jours. Moins contender que les Suns. Ouais, mais trop hype. Envie de les voir jouer. Ah, oh, ouais, oh, trop bien. Parce que du coup, les Blazers ont bougé un peu. Mais attends. Vas-y. Juste, si KD va à Portland, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Ah bah 25 points d'écart à 5 minutes de la fin, ça suffit pas. Si t'es pas à plus de 25 à 5 minutes de la fin, tu perds tes matchs en fait. Tu peux pas faire autre chose en fait. Donc, et encore plus 25, les mecs ils se disent, c'est jouable. Vraiment, à tout moment, ça se fait. Donc mec, ils deviendraient contenders direct les Blazers. Alors après, ça dépend de la contrepartie qu'ils auraient envoyée en fait. Mais ils viennent contenders direct si tu rajoutes un mec comme Durant à côté de Lillard. Du coup, t'as pas eu KD, mais t'as fait des petits moves qui ne servent pas à grand chose. Dans le trade avec les Knicks, tu envoies Josh Hart et tu récupères Cam Reddish, un gars que je ne peux pas dire le nom parce que c'est impossible. Mikhailiuk là. Ouais, c'est ça. Et un premier tour de draft. Tu récupères dans le trade de James Wiseman avec les Warriors, etc., et Gary Payton 2, tu récupères Kevin Knox et 5 secondes tours de draft, pardon, qui iront aux Warriors d'ailleurs. Et tu récupères un Matisse Thybul dans le trade avec les Hornets et les Sixers. Ouais, ça, c'est pas mal, ça apporte de la défense, ouais. Matisse Thybul, et puis surtout, ça va lui donner des minutes, il va pouvoir se développer, ça j'aime bien. Ouais, mais c'est sinon, un bon joueur, Matisse. Mais pour Portland, sinon, non, il n'y a rien. C'est dommage. C'est triste de voir Lillard aussi esselé par son management, encore une fois. C'est surtout que ça dure depuis trop longtemps, tu vois. Genre, ça va finir, il aura jamais de bague, en fait, ce mec. Il doit faire une course de voiture, tu lui donnes une 4L cabochée et des pneus tracteurs, il peut rien faire. Il a tweeté une photo avec un sac, et en fait, sur le sac, il a écrit il a écrit quoi sur le sac ? C'est pas parce que le sac est bien porté qu'il est pas lourd. Ah oui. Quoi. Ouais, j'ai vu. Ouais. D'accord, ok, bon. Merci le message, poulet. On comprend ce que tu veux dire, Damien. c'est triste pour lui, quoi. C'est triste pour lui parce qu'en fait, il demande à être entouré et en fait, il l'est pas. Miguel, il y a un autre perdant aussi qui est arrivé chez toi, là. Oh, ouais. Mur. Oh, quel perdant, celui-là. Le Jean Mur. Franchement. À une époque, j'aurais été content qu'il vienne chez nous, mais il était déjà venu chez nous. Il est parti, en 2013. Content. Ouais, mais non, mais là, c'est j'ai mal pour lui. C'est John Wall qui revient à la case départ, qui se fait pas respecter, se fait marcher dessus. Je pense qu'il faut qu'il se reconvertisse et qu'il change de sport, voire qu'il sorte du sport, en fait. Franchement, c'est pas possible de pas respecter quelqu'un comme ça. Mais le pire, c'est avec les déclats qu'il a sortis il y a quelques semaines. Il avait sorti des déclats comme quoi Jalen Green et je sais plus qui, un autre jeune de Houston, comme quoi les trucs qu'il faisait à Houston, il pouvait pas le faire ailleurs parce que à Houston ils étaient trop laxistes et que du coup ces mecs-là fallait qu'ils se prennent un peu plus au sérieux. Parce que du coup, ils font trop n'importe quoi. Enfin, je sais plus ce qu'il avait dit, mais il avait sorti un truc comme ça, comme quoi le staff, du coup, il était un peu ridicule que c'était pas pro. Du coup, les joueurs, ils sont pas pro non plus. Donc, l'équipe pourra jamais progresser. Et au final, on a dit, bon, bah, John Wall, tu retournes à Houston. Son entrée dans le vestiaire, la première fois, gros. Tout le monde va le regarder avec des yeux de, ah ouais, grave. De tueur. Non, ouais, donc John Wall qui s'est fait, qui est la salope de la ligue officiellement. Collectivement, il y a une équipe qui est un peu la salope de la ligue aussi, c'est Chicago, Rémi. Oh là là. En fait, sur le papier, dans le début de la saison, il y en a plein qui étaient hypés, etc. Sauf qu'on a vu que ça marchait pas. On a vu que ça marche pas. Chicago, c'est mauvais. Est-ce que ça vient du coach? Est-ce que ça vient des joueurs? Je sais pas. Moi, ça vient des deux, j'ai l'impression. Et du coup, moi, j'avais qu'une envie là, c'était que ça explose. Il y avait des rumeurs que Lavigne partait à Dallas. Il y avait des rumeurs qu'il partait ailleurs. Il y avait des rumeurs. Enfin, il y a des joueurs qui étaient. Il y a des équipes intéressées sur Vucevic, etc. Il y avait les Lakers qui étaient intéressés par DeRozan. Enfin bref, il y a tout le monde qui était intéressé par tout le monde. Et moi, j'étais en mode, vas-y, faut que ça explose. Là. Faut qu'on récupère du jeune, qu'on récupère du tour de draft, qu'on récupère des trucs. Au final, ça marche pas. Et on s'est dit, on prend les mêmes et on recommence. Et on recommence. C'est incroyable. Il y a rien qui a bougé. Rien tenté, surtout. Ouais. T'as été dans aucune rumeur. Bah après, peut-être qu'il y a des trucs qui s'est fait en coulisses et que ça a pas marché. Ça, c'est possible aussi. T'as éteint le téléphone. Mais si, il y a eu la petite rumeur de Lavigne à Onyx, mais c'est tout. Hein. C'est le seul truc. Ouais, mais ça, c'est un départ. Pas... Enfin, t'aurais chopé qui des Knicks? T'aurais... Du jeune. Bah, peut-être Evan Fournier. Ouais. Ah, remarque, ouais. Fournier sous le maillot des Bulls, sympa. Ouais, mais... je pense qu'il aurait kiffé. Mais pour les Bulls, l'intérêt, ça te fait pas passer un cap, quoi. C'est ça le truc. Non. T'aurais pas été chopé un Randle ou un Brunson, de toute manière. Non, bah, Barrett. Mais même sans ça, tu vois, récupérer du tour de draft, récupérer des jeunes avec du potentiel. Tu vois, là, on a parlé comme quoi les Nets, bon, après, les Nets, ils avaient des très gros clients, ça, je dis pas. Mais tu vois, ils ont récupéré plein de tours de draft, ils ont récupéré du Michael Bridges, ils ont récupéré du Dorian Finney-Smith, des mecs comme ça. Bah, ça, c'est trop bien, en fait. Aller récupérer ce genre de mecs, tu vois, qui sont jeunes, qui défendent bien, qui, offensivement, ils sont pas déconnants, enfin, voilà. Ils auraient pu aller chercher ce genre de trucs. Ouais, c'est en chercher quelques-uns, en draftant, voilà, il y a des noms qui peuvent partir. Sauf qu'en fait, il s'est rien passé du tout, et ça, ça va pas. Il s'est juste passé un petit truc, c'est qu'apparemment, il voudrait compter sur Vucevic dans l'avenir et le prolonger. Ouais. C'est ce que Arthur Karnišovas, il a dit, ouais, ils veulent compter sur Vucevic pour l'avenir. Et... Bon projet. C'est bien. Moi, je pense que je vais changer d'équipe. Hein. Bah non, mec. évidemment. Évidemment, je suis pas un bandwagonneur, mais frère, quand tu vois qu'il y a zéro avenir et que les mecs, ils se disent, les gars, j'ai une idée à la con, on va la faire. Bah, c'est relou, tu vois. Et surtout que vous les faites toutes, c'est ça le truc. Ouais. Vrai, idée à la con, mec, tu vois juste les Rockets. John Wall, non, on le fait pas jouer, vas-y, on le transfère. Bon, vas-y, venez, on le récupère quand même, on sait jamais, ça peut être sympa. Au moins, il se passe des trucs. T'as de l'animation. Moi, je m'emmerde. C'est ça. Je suis pour qu'on se fasse un petit pêle-mêle un peu de ce qui reste. On a les Nets, du coup, qui ont perdu en termes de court terme. Parce que du coup, tu perds Kyrie et tu perds toute chance d'aller un peu en. Cette année, c'est foutu. T'es plus contender. Par contre, pour l'avenir, comme on l'a dit, c'est trop bien parce que t'as récupéré full tour de draft. Donc là-dessus, c'est trop bien. On a les Hawks qui n'ont pas réussi à trade John Collins malgré les rumeurs depuis 3 ans qu'il est dans les rumeurs de trade deadline. Mais encore une fois, il reste sous le maillot des Hawks. D'ailleurs, il s'est bien vengé hein, avec un gros tomard la nuit qui a suivi. Il s'est bien énervé. On a les Raptors qui ont récupéré Jakob Poeltl, mais c'est tout. Ouais. Ouais, ça bouge pas tant que ça côté Toronto, alors qu'il aurait fallu pareil que ça bouge un peu plus. Ça bouge. Un apport d'un vrai 5, un mec un peu grand comme Jakob Poeltl, c'est cool, mais je suis pas sûr que ça suffise. J'aurais aimé qu'il y ait plus de mouvement aussi côté Raptors. Ouais, mais comme on l'a dit un peu en off cette semaine, c'est que qu'est-ce que tu vas chercher comme joueur qui peut te faire passer un cap sans perdre trop de qualité? Bah, tu peux pas trop en fait. Ouais, c'est sûr. Mais tu vois, le truc c'est que non seulement il y a ce point de vue-là, oui, mais d'un autre point de vue, il y a Masai Ujiri qui est aux commandes là-haut. Et Masai Ujiri, il aurait pu aller chercher des trucs de dingue. Il aurait pu faire une dinguerie. Après, ça se trouve, il prépare autre chose avec les agents libres. C'est possible. C'est possible. Oui. C'est déjà des transitions. Déjà, tu vois que l'équipe était censée péter pendant la trade deadline. Il y avait les rumeurs sur plein de joueurs. OG Anunoby, Fred Van Vliet. Mais OG Anunoby, c'est juste des équipes qui étaient intéressées par lui. Hein. Les Raptors, ils n'ont jamais dit qu'ils allaient le lâcher. Ouais. Ah ouais. Ah, mais Masai, il n'a voulu lâcher personne. Hein. Et, je pense que Masai, il a laissé entendre des rumeurs pour dire tu me proposes quoi. Ouais, OG, je peux le lâcher, mais ça dépend ce que tu me donnes, tu vois. Ouais, OG, tu le lâches pas. Il a testé le marché. Bah ouais, c'est ça. Ok, et bah du coup, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour des grosses news. Ah oui, bah du coup, on a un trade qui, ça se trouve, qui va capoter. On peut en parler vite fait. Donc, le trade des Hawks, des Pistons, des Warriors et des Blazers, donc, qui implique les joueurs comme Wiseman, Sadiq Bey aux Hawks, Gary Payton aux Warriors et Kevin Knox aux Blazers. Le problème, très bien joué, ça, d'ailleurs. Ah oui, pour tout le monde. C'est... Ouais, je trouve ça bien. Même Sadiq Bey aux Hawks, je trouve ça cool aussi parce qu'à Détroit, il montrait de belles choses et ça peut le faire exploser avec une équipe plus forte. Les Warriors qui sont très grands gagnants de ce trade. Bah ouais. Sauf que sur le papier, ça marche bien, mais il faut que le joueur il réussisse la visite médicale, quoi. Et ouais, c'est ça le truc. Parce que du coup, Gary Payton a loupé sa visite médicale, ce qui pourrait faire capoter le trade pour les 4 équipes. Donc à suivre, je crois qu'il reste 48 heures pour se décider. Non, non, là, c'est la fin de la journée, là. C'est ce soir. Jusqu'à ce soir. Okay. Ouais, ouais. Donc, en fait, ce qui s'est passé pour expliquer à tout le monde, c'est que du coup, il a raté sa visite médicale, ouais, parce qu'il aurait une blessure à l'abdomen, Gary Payton. Mm-hmm. Et soi-disant que les Blazers l'auraient forcé à jouer malgré la douleur. Ça, j'ai un peu du mal à y croire, hein, parce qu'une sortie médiatique où il dit qu'il a mal et c'est terminé, tu vois. Mais bon, après, je suis pas dans les coulisses. Donc, du coup, ils peuvent faire le choix d'annuler le transfert. Donc, tout le monde revient chez lui. Mais d'un autre côté, je me dis, les Warriors, est-ce que c'est pas mieux pour eux de parier sur un mec qui, ok, joue pas pendant les 3 prochains mois, mais est là en playoff, connaît les systèmes, connaît les joueurs, etc., parce qu'il a déjà gagné une bague l'an dernier avec eux, plutôt qu'un James Wiseman qui, au final, ne joue pas. C'est sûr. Ouais. Donc malgré la blessure, moi je garde Gary Payton. Ouais, surtout que c'est apparemment la blessure, c'est 3 mois. Et puis Gary Payton, c'est un champion de la maison, si tu veux. Bah c'est pour Donc, ça. Tu peux le garder pour 3 semaines ou 1 mois avec sa blessure et le reprendre plus tard pour les playoffs. Je pense que les Warriors peuvent opter pour ça et tu peux faire confiance à un gars qui a déjà gagné chez toi, je pense. Un mec qui débarque de nulle part et qui peut te la foutre à l'envers, là c'est pas la même chose, tu vois. Alors Wiseman, il a aussi la bague, les gars, même s'il a pas joué. Oui, mais du coup, Gary Payton, il avait un vrai impact en playoff. Il a pas le même impact. James Wiseman, il n'y a eu aucun projet. Le projet, il a duré 2 semaines, le temps qu'il fasse son premier match. Après, ça s'est arrêté. Alors que Gary Payton, il avait une vraie rotation. C'est quand même con que Wiseman, ça ait flop. Parce qu'en fait, c'est un bust, mais c'est un bon joueur. Hein. Bah, ouais, mais là, au Warriors, ça n'a pas fit, en fait. Mais c'est pour ça, c'est bien aussi qu'il parte. Parce que du coup, ça lui permet aussi de pouvoir se développer. Exactement. Il arrive à Détroit, c'est ça, Wiseman? Détroit, ouais. Bah, en vrai, c'est un gros potentiel de draft et il arrive à côté de Kate Cunningham. Et bon, je vais mettre Kylian Hayes aussi là-dedans parce que c'est notre Enchi. Bah, mec, mais à voir comment ça se développe. Moi, j'aime bien, j'ai hâte. Ouais, c'est cool. Moi, j'aime bien l'idée. Après, faut voir s'il arrive à convaincre les Pistons. Après, s'il l'aurait pas fait venir, s'il ne veut pas le faire jouer, je pense. Non, ils veulent tenter le coup. Donc voilà un peu pour cette trade deadline. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Choisissez peut-être une équipe qui vous a fait le plus kiffer. Moi, j'ai adoré ce que les Clippers ils ont fait. Et ils ont fait vraiment des bons mouvements. À voir ce que ça a donné avec Westbrook s'ils le ramènent. La luxury tax, ça va exploser. Mais par contre, pour cet été, ça peut être vraiment cool. Je suis d'accord. Hâte de voir une série Suns Clippers. Why not? Ça peut être sympa. Miguel? Moi, hâte de voir une finale de conférence Suns Mavericks. Ah oui, il y a ça aussi. Ouais. Contre Suns, ce serait. Moi, c'est vrai, c'est surtout Dallas qui est mon, on va dire, coup de cœur de cette trade deadline parce que j'attendais que le cas soit entouré. Même si Irving, c'est pas forcément le gars le plus sûr du monde. Mais le duo est trop excitant, je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Et quand là, c'est excitant. Ouais. Devant ma télé, moi, je suis sceptique. J'avoue, moi, je suis sceptique aussi, mais c'est excitant de ouf. Hein. Clairement. Ah bah ouais, ça ouais. Ah, clairement, c'est excitant. Est-ce que à voir ce que ça va donner sur les prochaines semaines. Peut-être qu'on fera un petit focus sur Dallas parce qu'il y aura peut-être de quoi parler. Je pense qu'on pourra le faire. Mais quand tu vas voir Luka revenir de blessure sur le terrain à l'entre-deux avec Kyrie à ses côtés, la petite golasse, j'aime bien. Je me demande si c'est pas plus excitant qu'une meuf à poil devant toi quand même. je me pose la question quand même. Je me demande si à choisir, j'irai voir une meuf ou voir le match de Dallas. Je sais pas. Et tu peux faire les deux en même temps, mec. Et ça, ouais, j'avoue, ça c'est pas. J'ai à dire qu'on n'a pas pu tourner hier parce que Vincent devait aller voir une meuf. Hein. Est-ce que c'est vraiment vrai? Oui. Non, moi, pour moi, le. Il y a des priorités pour Vincent. Il y a pas mal de grands gagnants dans cette trade deadline, mais. Moi, c'est les Bucks, en fait. Les Bucks, même s'ils ont fait qu'un seul move, en fait, c'est le move parfait. En fait, il y a même deux moves pour eux. Il y a l'ajout de Jay Crowder et il y a les Nets qui sont plus du tout contenders leur conférence. Pour eux, c'est vraiment le... C'est exactement ce que j'allais dire. C'est une aubaine. En fait, les grands gagnants, c'est toutes les équipes candidates à l'Est. Ouais. Bah ouais, parce que du coup, l'Ouest s'est renforcé de ouf et l'Est s'est appauvri. c'est appauvri d'une équipe qui faisait peur à tout le monde. Ouais. Parce que du coup, t'étais top 3, top 4 de la conférence. Bon, là, t'es descendu 5e, mais au final, tu te retrouves, du coup, je pense que le Heat, qui sont actuellement 6e, ils sont contents. Oui. Les Hawks, ils peuvent essayer d'aller choper un premier tour de playoff peut-être plus facilement. Les Sixers, ils se régalent parce que pareil, eux, ils ont perdu Tybull, mais ils ont récupéré un Jalen McDaniels en provenance de Charlotte. C'est un ajout qui est pas dégueu. Non, c'est bien. Après, bon, l'effectif était assez complet, donc pas besoin de chambouler grand-chose. On aurait peut-être pu aller choper, aller échanger un petit Korkmaz pour quelque chose, je sais pas. Tu vois, moi, par contre, aller récupérer Fournier, j'aurais kiffé pour les Sixers, mais bon, ça a pas été possible. Mais du coup, t'as pas trop bougé, mais par contre, t'es content de voir les Nets exploser, en fait. Parce que du coup, ça t'assure plus ou moins une demi-finale ou peut-être une finale de conf à coup sûr. Bah, quand t'es sûr que les Bucks et les Sixers, ils se régalent, tu vois. Et puis en plus de ça, tu sais très bien qu'en play-off, tu joues contre Durant Irving. Même s'ils ont fini 7e et qu'ils ont passé le play-in et qu'ils sont... Bah, comme les Warriors. C'était les Warriors de la conférence Est. C'est ça, exactement. Parce que dès qu'ils sont dans les 8, bah, tu pleures. Ouais, c'est casse-couille. Exactement. Gus, quand tu parles de l'implosion des Nets, tu dis que ça, c'est Philly et les Bucks qui sont grave contents. Tu parles pas des Celtics, parce que pour les Celtics, ça change rien. Ouais, c'est ça. Ils avaient pas peur non plus de Brooklyn ? Non, je pense pas. Ouais. Je pense que c'était l'équipe la plus sereine de... Tu vois, je pense que tu vois les Celtics, ils ont rien fait. Hein. Ils ont récupéré Mike Muscala, c'est tout. Ouais, mais on a fait un truc. Hein. Ouais. Ils ont pas peur. Ils ont l'effectif le plus complet peut-être de la Ligue, je pense. Mmh. Et en plus de ça, l'équipe tourne trop bien. Donc, je pense qu'ils ont regardé ça du coin de l'œil en disant « Qu'est-ce que vous faites ? Ok, hop, vous nous facilitez la tâche, pas de problème. » Mais ouais, je pense que les Celtics, je pense qu'eux, ils ont déjà le pied en finale de conf et ils attendent juste de voir qui aura en face, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est ainsi que se termine cette émission. On espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts. On est sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sous les posts des émissions pour cette trade deadline ou même les autres sujets qu'on a pu voir dernièrement, comme des petites actus, le record de LeBron. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Vive le basket, vive la NBA. Ciao. Salut tout le monde. Ciao tout le monde.